L'ancien directeur de l'Institut de génome de l'Université de technologie de Californie, Kim Mung-jin, savant coréen aux États-Unis, a condamné dans la page Internet de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis, les États-Unis et l'Occident qui accusent absurdement de nouveau la dernière mesure de renforcement de la dissuasion nucléaire de notre République, sous thème « Grâce aux idées du jeté, la Corée est devenue l'État le plus raisonnable ».